Page 61. Activité 4. Piste 51. A. Nous nous appelons Sophie et Marie. B. Ils s'appellent Luc et Paul. C. Vous vous appelez Marc ?